Moscou, Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 29 avril 2019, voici les grands titres de cette édition. Les commerçants faisant passer les marchandises importées par l'aéroport de Bujumbura se plaignent que la vérification de leurs articles se fait à la main, ce qui les fatigue davantage après leur voyage. Mais à l'OBR, l'Office burundais des recettes, on tranquillise en annonçant qu'un deuxième scanner sera disponible dans 2 mois. La subvention pour les projets de développement des communes a été majorée à 570 millions de francs burundais contre 500 millions pour l'exercice budgétaire en cours. C'est une nouveauté du projet de loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2019-2020. Et les caféiculteurs de Maramirundi, en commune Musiga, dans la province de Ngozi, affirment qu'ils n'ont pas de bonne récolte parce qu'ils font face au manque de moyens pour acheter l'engrais chimique à utiliser au moment où ceux qui ont des fertilisants ne se plaignent pas. Reportage à suivre dans ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, les bagages des passagers entrant par l'aéroport international de Bujumbura sont fouillés à la main sous la supervision des agents de l'Office burundais des recettes, OBR. Motif, selon ces agents, c'est la vérification de probables articles frauduleux. Ces derniers demandent que ce contrôle soit effectué par un scanner car la fouille manuelle prend beaucoup de temps, ce qui fatigue davantage les passagers. On fait le point avec Placide Niyomwungere. Comme nous l'avons constaté à l'aéroport international de Bujumbura, cette vérification douanière s'effectue au niveau de la salle d'attente des bagages en débarquement où se trouve un tapis roulant sur lequel circulent ces derniers. Tout autour, les passagers récupèrent un à un leurs bagages. Vers la sortie, se trouvent des agents de l'Office burundais des recettes, certains en gilet jaune et d'autres portent des badges pour identification. De la bouche de ces derniers, 2 questions sont adressées aux passagers. Je cite « Que contient ce bagage ?» Ouvrez-le pour le contrôle. Fin de citation. Le passager est obligé de parcourir objet par objet pour vérification douanière. S'il y a un bagage bien emballé, ses agents demandent au propriétaire de se mettre à l'écart pour l'ouvrir tranquillement. Certains de ces passagers déplorent cet état de contrôle qu'ils jugent fatigant, car, regrettait-il, les objets chambardés risquent de ne plus contenir dans l'emballage, ou encore, ce contrôle manuel aggrave l'état de fatigue, ajoutait-il. Ces passagers qui empruntent l'aéroport international de Bujumbura demandent que la vérification douanière soit effectuée par un scanner spécial. Selon les agents de l'OBR en place, ce scanner avait été installé dans cette salle, mais il a été déplacé par les responsable de l'aéroport, regrettait-il. Pour eux aussi, si cet outil est rendu disponible, il pourra faciliter son contrôle de bagages. Placide Niyomwungere qui a contacté le commissaire général de l'OBR pour explication. Eh bien, au sein de l'Office burundais des recettes, on reconnaît que la vérification est manuelle parce que le scanner qui était utilisé a été affecté ailleurs par les services aéronautiques pour des raisons de sécurité. Cependant, Audas Niyonzima tranquillise en disant qu'un autre scanner sera disponible dans 2 mois. Il appelle les passagers à déclarer au préalable leurs marchandises avant une telle vérification. C'est Placide Niyomwungere qui l'ajoute. Effectivement, la vérification se fait manuellement. C'est suite au scanner qui appartenait au service aéronautique, qui a été délocalisé et qui a été affecté ailleurs dans le service aéronautique de sécurité. Maintenant, nous sommes en cours d'acquisition d'un autre scanner. En attendant que ce nouveau scanner soit acquis, les services de douane utilisent les méthodes manuelles pour identifier les bagages qui contiendraient ou qui sont suspectés de contenir les marchandises qui doivent être déclarées. Est-ce que ce n'est pas une façon de fatiguer les passagers doublement? Non, ce n'est pas une façon de fatiguer les passagers. Les passagers devraient être patients parce que c'est une pratique qui se fait dans tous les aéroports du monde. Ceux qui détiennent les marchandises devraient procéder par la déclaration avant même que les services de douane procèdent à la vérification. Ceux qui n'en ont pas, ils pourraient ouvrir sans poser beaucoup de problèmes. Mais s'ils le font volontairement, normalement, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Vous promettez que le scanner sera rendu disponible quand? Les procédures des marchés publics, ça prend un peu plus de temps, mais le marché est déjà attribué. Généralement, ça prend entre 60 et 90 jours pour la livraison. Mais nous allons tout faire pour que ce scanner soit livré dans les plus graves délais. Parce que nous en avons besoin pour la question de collecte des recettes. Le commissaire général de l'Office burundais des recettes, Audas Niyonzima, au téléphone avec Placide Niyomwungere. Et le projet de loi portant fixation du budget général de l'État exercice 2019-2020 contient de nouveaux articles alors que d'autres ont été retouchés comparativement à la loi budgétaire 2018-2019. C'est par exemple l'article 30 du projet de loi majorant la subvention pour les projets de développement des communes à 570 millions de francs burundais, alors que la dite subvention est de 500 millions pour l'exercice budgétaire en cours. Mireille Kanyang revient sur ce projet de loi. Ce projet de loi déjà sur la table des députés à la Chambre basse du Parlement burundais, en son article 30, prévoit une subvention pour les projets de développement des communes à hauteur de 570 millions en monnaie locale, alors qu'elle était de 500 millions pour l'exercice budgétaire 2018-2019. Pour les 119 communes du pays, l'impact global sera de 67,8 milliards de francs burundais en appui utilisé principalement dans le secteur de l'agriculture, notamment pour l'achat des engrais, appui aux coopératives communautaires de production, de transformation et de conservation de récoltes, comme le montre l'une des 11 priorités de ce projet de loi. L'article 44 de ce projet de loi stipule qu'il est opéré une taxe anti-pollution qui s'applique aux véhicules usagés et sachets en plastique. En son point deuxième, la taxe spécifique et ad valorem anti-pollution est de 100% du coût d'achat pour les sachets en plastique importés ou la matière première importée destinée à la fabrication des sachets, alors que cette taxe était de 50% pour la loi budgétaire en cours. Pour rappel, le décret présidentiel du 8 août 2018 interdit l'importation, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des sachets et d'autres emballages en plastique en délai de grâce de 18 mois a été accordé. Quant à l'article 16 de ce projet de loi, il institue une prime forfaitaire de 10 millions de francs burundais à toute personne qui dénonce tout individu coupable d'une infraction d'incendie portant sur les réserves naturelles. Une ordonnance conjointe des ministres ayant les finances et l'environnement dans leurs attributions fixe les modalités de mise en œuvre de cet article. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le forum des partis politiques FDP en sigle appelle les militants des partis à la cohabitation pacifique. Tite Buchumi, vice-président de ce forum, le dit après que des cas d'intolérance politique se soient déclarés dans différents coins du pays. Il affirme que ce forum compte entamer des enquêtes pour connaître les causes de cette intolérance, même s'il n'accepte pas qu'elle se soit déjà manifestée. On l'écoute. Je n'avais pas cette information, mais les partis politiques au sein du forum, ils échangent toujours. Il n'y a aucun problème dans les partis politiques qui sont au forum. À ce moment, je ne pense pas qu'il y a l'intolérance politique qui peut quand même se monter. Vous voyez que bientôt sont des élections. Dans les élections, il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur tête à ce moment et nous allons nous informer si cette information est vraie. Très récemment, vous avez entendu les échauffourées qui sont venues entre les jeunes en commune Wutihinde de la province Muyinga. On va s'informer d'abord à la situation qui s'est passée à Wutihinde parce que nous n'étions pas là. Se battre d'abord, c'est punissable avec la loi. À ce moment, il y a des gens qui font des choses en disant qu'ils sont membres des partis politiques, mais quand tu regardes ça avec les autres, à ce moment, on peut demander est-ce que c'est le président du parti tel qui a donné cet ordre. Il y a aussi des problèmes des gens. À ce moment, c'est la justice qui tranche. Quel est le message du forum des partis politiques face à cette intolérance politique et à la veille des élections de 2020? Les partis politiques membres du forum, il faut qu'ils restent sereins parce que les élections, après les élections, la vie continue. Un parti politique peut agresser l'autre parti politique parce que le pays et pour tout le monde. Et les caféiculteurs de Maramirundi en commune Busiga dans la province de Ngozi affirment qu'ils n'ont pas de bonne récolte parce qu'ils font face au manque de moyens pour acheter l'engrais chimique à utiliser au moment où ceux qui ont des fertilisants ne se plaignent pas. Ils réclament au gouvernement des subventions en engrais chimique comme il le fait pour les autres cultures vivrières. Le représentant national des caficulteurs regroupés au sein de la Confédération Sénac, Murima Wisangi, tranquillise que les structures étatiques concernées par la question s'y penchent déjà. Les détails avec Evariste Nziko Banyanga qui est de retour de Maramirundi. Sur les collines de la zone Maramirundi, les plantations de caféiers prédominent les autres cultures. Ceux qui ont des moyens pour fertiliser leurs caféiers ont de belles plantations et présentent de bonnes productions. Ma plantation se porte bien. Même si la production procure peu d'argent, l'on se fait violence pour fertiliser les caféiers. L'on fertilise nos caféiers au cours du mois de juillet et cela à deux reprises. Il ne reste rien dans nos poches car les 500 francs par kilo de café cerise, c'est un prix dérisoire. L'on se sacrifie pour le café car même nos écoliers ne trouvent pas de manuel scolaire à la rentrée scolaire. De l'autre côté se trouvent ceux qui n'ont pas de moyens. Leurs caféiers donnent de faibles productions, disait-il. Ces derniers demandent au gouvernement de leur subvenir en engrais chimiques, comme il le fait lors des saisons culturelles des cultures vivrières. Ma plantation des caféiers se présente mal cette année. Ceux à qui leur plantation présente une bonne production ont des moyens pour se procurer d'engrais chimiques et organiques. Il faut que l'on soit subventionné en engrais chimiques pour avoir de bonnes récoltes pendant la campagne. Au sein de la Fédération des associations de caféiculteurs, l'on indique être au courant de cette doléance. Binyogoto Anselme, qui représente les cultures au niveau de la SENAC et Murima Wisangi, tranquillise. Au niveau de la SENAC, l'on s'en penche déjà sur cette question. Nous savons qu'il y a des redevances d'appui à la production cotisée par les caféiculteurs, ainsi que le programme d'appui à la redynamisation du café par CCS. L'article est aussi au courant qu'il y a ceux qui n'ont pas de moyens pour fertiliser leur plantation de café. Le directeur général de l'ARFIC a dit qu'il était prêt à trouver une solution durable à ce problème. Les habitants de la zone Maramirundi, l'une des zones qui produisent selon eux de bonnes quantités de café, ne demandent qu'au gouvernement de trouver des étrangers qui puissent acheter le café burundais à un bon prix. Évariste Nzikobanyanga et certains directeurs d'école dans la province de Chibitoke se lamentent que certains cours ne sont pas encore dispensés alors que l'année scolaire 2018-2019 se trouve en son troisième trimestre. Il affirme que même les cours qui sont enseignés par des bénévoles sont dispensés négligemment puisque ces derniers reçoivent difficilement leurs primes d'encouragement et que leurs demandes en personnel ne sont pas honorées par le ministère de tutelle. Alexis Dairagic. Ces cours qui ne sont pas encore vus ou dispensés négligemment dans certains établissements de la Direction provinciale de l'éducation de la province de Bitoke sont le Swahili, le cours de TIC, la musique, les arts et les mathématiques dans certaines écoles. Les directeurs des écoles qui connaissent ces défis affirment que les enseignants bénévoles, des fois s'absentent, dans d'autres cas, donnent des notes sans toutefois donner des explications convaincantes. Ces enseignants bénévoles affirment eux aussi qu'ils reçoivent des primes avec retard. Le directeur Rézé indique qu'ils ont une inquiétude que l'année scolaire 2018-2019, qui est dans son troisième trimestre, risque de se clôturer. Certaines matières n'étaient pas encore achevées. Il demande au ministère de tutelle de leur procurer des enseignants pour le bien de leurs enfants. Un agent de la direction provinciale de l'éducation à Chibitoke, qui a voulu garder l'anonymat, nous a indiqué que chaque année, il donne des besoins en personnel au ministère de leur ressort, mais que leur demande n'est jamais satisfaite. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije. Et l'actualité en bref, recrudescence du banditisme dans les taxis-voitures en mairie de Bujumbura. Une femme qui en a été victime témoigne qu'elle a été menacée avec une arme par des passagers à bord d'un taxi-voiture qu'elle avait pris. Tous les objets qu'elle avait sur elle là, ont été volés, regrette-t-elle. Cette victime appelle tous les passagers à garder le vigilant afin de ne pas tomber dans des pièges de ces bandits. Le ministère de la Sécurité, contacté par la rédaction, dit qu'il n'a pas encore reçu de tel dossier. Pierre Mourikier, porte-parole du ministère de la Sécurité, appelle les victimes de ce banditisme à se confier aux autorités policières pour être rétablies dans leurs droits. Et les équipes PVP Bouyenzi et Fofila PF occupent toujours les premières positions du championnat national de football féminin avec 10 points. Elles ont gagné leur match dans la quatrième journée de ce championnat. Et au volleyball, le championnat national était à sa quatrième journée ce week-end. Le match qui était beaucoup attendu est celui qui a opposé la formation Ga Cosmos et Muzinga, qui s'est soldé par un score de 3-7 à 1 en faveur de Ga Cosmos. Et en actualité sous-régionale africaine, RFI Radio France Internationale rapporte ce matin ce qu'il appelle le fléau des conflits fonciers en RDC. La mise à l'écart la semaine dernière du ministre des Affaires foncières par intérim, Emmanuel Ilunga, a remis cette problématique qui engorge les tribunaux congolais sur le devant de la scène. Accusé d'avoir détourné l'équivalent de 9 000 euros et d'avoir outrepassé ses prérogatives en tant qu'intérimaire en recrutant du personnel, le ministre dénonce une campagne de calomnie. Selon lui, s'il a été mis à l'écart, c'est pour avoir ouvert la boîte de Pandore en essayant de rétablir dans leurs droits des citoyens qui se disent victimes de spoliation de leurs parcelles ou autres biens immobiliers par des personnalités influentes, civiles ou militaires, et ce, à travers une commission baptisée « Commission Étienne Tshisekedi ». Enfin, la situation dans le nord du Mozambique est pire qu'on ne le pense, selon un porte-parole de l'ONU, quelques jours après le cyclone Kenneth qui a frappé le pays. Kenneth est un système cyclonique évoluant avec des vents de 220 km/h qui a littéralement rasé des villages entiers. Environ 700 000 personnes seraient aujourd'hui menacées dans la région nord du Mozambique en raison des pluies torrentielles qui continuent de s'abattre. Le cyclone Idai a tué plus de 900 personnes dans trois pays en mars dernier. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un bon après-midi.